Chapitre 21e. Resté seul avec Madame Bastien, David garda quelques moments le silence comme pour se recueillir, puis il dit à la jeune femme d'une voix pénétrée « Madame, veuillez voir en moi un médecin qui se voue à une cure peut-être difficile, mais nullement désespéré. J'attends de votre confiance un récit détaillé de tous les événements, des plus puérils aux plus importants, qui ont eu lieu depuis que vous avez remarqué dans le caractère de Frédéric ce changement qui vous désole. Notre ami, le docteur Dufour, m'a déjà donné quelques renseignements, mais ce que vous pouvez m'apprendre, madame, m'éclairera sans doute davantage. » Ce récit, que Marie fit avec sa sincérité habituelle, touchait à sa fin lorsque le docteur Dufour rentra. « Eh bien, et Frédéric ?» demanda vivement la jeune femme. « En sortant d'ici, répondit le médecin, il a gagné la futaie. Je l'ai suivi. Il m'a parlé peu, mais avec une douceur mêlée d'abattement. Puis, après plusieurs tours de promenade, il est rentré chez lui. Comme il ne peut en sortir sans être vu de Marguerite, elle viendrait vous prévenir. Du reste, voici bientôt la nuit. Aussi faut-il que je retourne à Pontbriand. Allons, ma chère Madame Bastien, courage. Je vous laisse le plus sûr, le meilleur des auxiliaires. » Puis, s'adressant à David, « Adieu, Henri. Il n'y aurait pas de justice au ciel si ton dévouement n'était récompensé par le succès. Et il faut qu'elle existe, cette justice, pour que les mères comme Anna Bastien finissent par être aussi heureuses qu'elles le méritent. » Restée seule avec David, Marie acheva son récit. Mais lorsqu'elle en vint à l'aveu de la scène de la forêt, elle hésita, pâlit, et son trouble devint si visible que David lui dit avec intérêt « Mon Dieu, madame, qu'avez-vous, cette émotion ? Ces larmes, à peine contenues. Ah, monsieur, je serais indigne de votre généreux appui si je vous dissimulais une partie de la vérité, si terrible qu'elle soit. Que voulez-vous dire, madame ? Eh bien, monsieur, murmura Madame Bastien, les yeux baissés et comme anéanti par cette effrayante confidence, Frédéric, saisi d'un accès de fièvre chaude, de délire, que sais-je, car il n'avait plus sa tête à lui, est allé le soir, dans la forêt voisine. » Et Madame Bastien, s'interrompant encore, toute frémissante, David répéta, « Dans la forêt voisine. » « Oui. » reprit Madame Bastien d'une voix tremblante, entrecoupée. « Oui, dans la forêt, s'embusquer. Pour tirer sur monsieur de Pontbriand. » « Un meurtre ! » s'écria David en pâlissant et se levant par un mouvement involontaire. « Un meurtre ? Grâce, monsieur !» dit Marie en étendant vers David ses mains suppliantes. « Grâce pour mon fils, c'était du délire. »« À 16 ans, murmura David. « Ne l'abandonnez pas !» s'écria la jeune femme avec un accent déchirant, car elle craignait que cette révélation ne fît renoncer David à son œuvre généreuse. « Hélas, monsieur, plus mon malheur est grand, plus il est désespéré, plus il doit vous faire pitié. Oh, encore une fois, je vous en supplie à main jointe, n'abandonnez pas mon fils. Mon dernier espoir est en vous. Que deviendrais-je? Que deviendrait-il? Et puis, voyez-vous, j'en suis sûr. Il n'avait pas la tête à lui, c'était du délire, c'était de la folie. » La première stupeur passée, David resta pensif pendant quelques instants, puis il reprit. « Rassurez-vous, madame. Loin de décourager mon dévouement, les difficultés le stimuleront encore. Mais ne vous abusez pas. Frédéric avait toute sa raison. Tôt ou tard, la vengeance devait être la conséquence de sa haine. Oh mon Dieu, non, non, je ne puis croire. Croyez, au contraire, madame, que Frédéric a agi avec toute sa raison. Cette conviction, loin de vous alarmer, doit plutôt vous rassurer. Me rassurer. Sans doute. Qu'attendre d'un insensé? Quel moyen d'action a-t-on sur lui? Aucun. Tandis qu'un esprit sain, dans ses plus redoutables emportements, peut encore être accessible à l'influence de certains sentiments. Ah, monsieur, je vous crois. Hélas, dans le malheur, on s'abandonne à la plus faible espérance. Et puis enfin, madame, la haine de Frédéric atteint son paroxysme. Et si nous savons toute l'étendue du mal, nous savons aussi qu'il ne peut faire de nouveaux progrès. Hélas, monsieur, quel a pu être le point de départ, le germe de cette horrible pensée? Par quel mystérieux enchaînement Frédéric, autrefois si bon, si généreux, a-t-il été conduit à cette effrayante résolution? Là, madame, est toujours le mystère et conséquemment le danger. Car votre récit des événements passés ne m'a apporté à ce sujet aucune nouvelle lumière. Nous voyons des effets dont la cause nous échappe. Mais une fois le motif de la haine de Frédéric connu, ce qui nous semble à cette heure à la fois effrayant et plein de ténèbres, prendra peut-être un autre aspect à nos yeux. C'est donc à pénétrer ce secret que j'appliquerai à tous mes soins. Hélas, madame, dit David, je ne veux ni vous décourager, ni vous donner de faux espoir. J'étudierai, j'observerai, je tenterai. Puis, remarquant l'abattement qui, chez la jeune femme, succédait à un élan d'espérance involontaire, il ajouta d'une voix émue. Allons, madame, courage, courage. Attendez tout de votre affection pour votre fils et de mon dévouement à l'œuvre que vous me permettez d'entreprendre. Bien des chances sont pour nous. L'âge encore si tendre de Frédéric, ses antécédents, votre sollicitude, ma vigilance de tous les instants. Mon Dieu, que serait-ce donc si, comme tant d'autres malheureux, il était abandonné sans appui tutélaire à tous les hasards de l'ignorance, de l'isolement et de la misère, ces trois fléaux qui seuls font tant de coupables? Madame Bastien, frémissante à cette pensée, s'écria « Vous avez raison, monsieur. Mes larmes, mon désespoir sont presque un outrage à des malheurs mille fois plus cruels que le mien. » Car il est des mères qui meurent en laissant leur enfant proie à ces fléaux qui, comme vous dites, font seuls tant de coupables. Et vous, madame, pleine de courage et d'énergie, vous veillez à chaque instant sur votre fils, et ce fils est rempli d'intelligence et de cœur. Oui, il en était ainsi. Ce qu'il y a dans lui de généreux et d'élevé est passagèrement paralysé, soit. Mais lors de la cruelle maladie dont notre ami l'a sauvé, vous avez aussi vu votre enfant pâle, abattu, mourant. Quelques semaines après, cependant, il se relevait plus que jamais, brillant de jeunesse, de force et de beauté. Pourquoi cette nouvelle maladie, à la fois morale et physique, n'aurait-elle pas une issue aussi heureuse que la première? Qui vous dit qu'après avoir été éprouvé, épuré par une lutte terrible, Frédéric, un jour, ne justifiera pas et même ne dépassera pas vos premières espérances? Il y avait tant de convictions, tant de dévouement dans l'accent de David. On lisait sur sa figure mâle et expressive un intérêt si sincère, si tendre pour Frédéric, une volonté à la fois si réfléchie, si résolue de sauver cet enfant, que Madame Bastien sentit de nouveau son cœur se détendre un peu sous l'influence d'un vague espoir. Alors aussi, dans sa reconnaissance de ce soulagement inattendu, plus que jamais elle admira la générosité de David, et par un retour involontaire sur la brutale défiance de M. Bastien, la jeune femme se dit avec amertume que sans les sentiments de pitié qu'elle et son fils avaient inspirés à un étranger, elle eût été, par l'avarice et l'inintelligence de son mari, dépourvue de tout moyen d'action pour sauver son enfant, puisqu'elle n'aurait pu même le faire voyager, seule chance de guérison qui lui resta. S'adressant alors à David avec une profonde émotion, « Tous les remerciements que je pourrais vous adresser, monsieur, seraient... » David ne la laissa pas achever. « Des remerciements? Vous ne m'en devez pas, madame. Notre ami vous a lu ma lettre. Je vous dirai donc encore que dans l'œuvre que je vais tâcher d'accomplir, je trouve à la fois une distraction à de cruels chagrins et une sorte de pieux hommage rendu à la mémoire d'un frère, pauvre enfant toujours regretté. Je n'insisterai pas, monsieur. D'ailleurs, mes paroles vous peindraient mal ce que je ressens. Un mot seulement, sur une question qu'il m'est pénible d'aborder, ajouta Madame Bastien en baissant les yeux et en rougissant. Je vous demande pardon d'avance, de l'existence modeste presque pauvre que vous trouverez ici et je... Permettez-moi de vous interrompre, madame, reprit David en souriant. J'ai beaucoup voyagé. Souvent, ces voyages se sont accomplis dans des circonstances difficiles et rudes. J'ai donc été un peu marin et un peu soldat. C'est vous dire la simplicité de mes habitudes. Ce n'est pas tout, monsieur, reprit Madame Bastien avec un embarras croissant. Presque toujours je vis seul. Les occupations, le genre d'affaires de mon mari, le retiennent souvent loin de chez lui, mais quelquefois il revient passer plusieurs jours ici et... Permettez-moi, madame, de vous interrompre encore une fois, dit David, touché de l'embarras de Madame Bastien, et allant pour ainsi dire au-devant de ce qu'elle hésitait à lui apprendre. J'ai eu, par notre ami commun, quelques renseignements sur les habitudes de M. Bastien. Vous me trouverez donc, madame, toujours empressée de faire tout au monde pour que ma présence ici ne troublant rien les habitudes, les idées, les préjugés même de M. Bastien. Je chercherai avant tout à me faire tolérer et mériter, sinon son affection, du moins son indifférence, car il me serait pénible, une fois mon œuvre entreprise, peut-être avec succès, de l'avoir brusquement interrompue. En un mot, madame, comme je ne puis rester ici contre le gré de M. Bastien, rien ne me coûtera pour me faire tolérer par lui, et de ses concessions, quelles qu'elles soient, ma dignité n'aura, je vous l'assure, rien à souffrir. Vous comprenez pourquoi, n'est-ce pas ? Oui, oui, monsieur, je le comprends, dit vivement Madame Bastien, soulagée d'un poids cruel. La délicatesse des procédés de David fit sur Marie une nouvelle et profonde impression. Elle n'en doutait pas. Le docteur Dufour avait prévenu son ami de l'habituelle grossièreté de M. Bastien, et l'homme généreux qui se vouait au salut de Frédéric avec un dévouement si désintéressé se résignait d'avance à des désagréments certains, à des humiliations peut-être, lorsque l'indépendance de sa position, l'élévation de son caractère, le mettaient au-dessus d'une situation subalterne et pénible. « Ah, monsieur, » dit la jeune femme à David, en attachant sur lui ses grands yeux où brillaient des pleurs d'attendrissement. « Si les belles âmes ont le sentiment du bien qu'elles font, comme vous devez être heureux en ce moment. » Ces simples paroles, prononcées avec une expression de gratitude ineffable par Madame Bastien, pendant que de douces larmes coulaient sur son pâle et adorable visage, touchèrent si profondément David que ses yeux aussi devinrent humides. Son cœur battit violemment et il garda quelques moments de silence. Ce silence, Marie le rompit la première en disant « Maintenant, monsieur David, voulez-vous m'accompagner afin que je vous fasse connaître la chambre que vous voulez bien accepter ici ?» David s'inclina et suivit la jeune femme.